se yo ka reisi Sa ka mache dwet S ni yon moun pou rikounet Yo di an ka chante mal Ve mwen save mwen pa malan Yo ke fe sa yo ble Mizik an mwen ke jwe Sou gade mwen dan zye Ke senti ki jan sa forme Gade-moi dans yeux, pour te sentir j'en moins fière. Passe-moi fière. Tété, oh tété, demain matin parlez-moi. Demain matin parlez-moi, c'est pas vraiment ramener-moi. Você